descente a emporté sur le fun, tu sais que la fête est terminée. Encore un jeune qui demande d'avoir pris de l'extasy. Et c'est pas ce qui les pousse à en prendre. Yeah.